Miss Missioul, Dada Sioul, Frappioul, Dalserviul, Croisé, Néné Youl, Énervioul, Hatcha! Je suis posé dans le barrio, j'en ai 6 dans le barrier. Je m'en paie tout dans la clio, ce soir je vais finir qui est. J'ai pas les sous du proprio, c'est au nom du frérot, il faut pas le griller. J'ai le cousin visio, j'entends les SS crier. J'suis posé dans la boîte, que ils passent des patates. Et devant le videur, grosse à la tatata. Ça sent la patate, ils sont casqués. Visir teinté, ils sont pas là pour parler. J'suis caliente, j'suis orienté. Elle fait que m'appeler, à la base elle m'a pointé. J'me sens pas trop t'es. Pointé. Ah bon? Je me sens pas de rentrer. Ouais. Je vais réserver à l'autre.